t'embrasse, les miennes ce matin, et ta main caresse mon front ce matin, et hier me semble tellement loin. Hier, j'avais tant de chagrin, je voulais mourir tous les matins. La fenêtre de ma chambre restait toujours fermée. Ce matin, tu en as ouvert grand les volets. C'est le soleil qui m'a doucement réveillé. Tu me regardes, je dois rêver éveillé. Je voulais mourir tous les matins. Je n'avais que ma voix pour dire je t'aime. Je n'avais que mes lèvres pour m'embrasser l'épaule. Je n'avais qu'une guitare à serrer contre moi. Je n'avais que mes yeux pour me fixer des yeux. Je voulais mourir tous les matins. Mais heureusement que j'ai su surnager, heureusement que je ne me suis pas noyé, sinon je ne t'aurais jamais rencontré. Tu n'aurais eu que mes groupes de rock à écouter. Tu les écouterais tous les matins.